carnivaux dans la ville. À l'arrière d'une large automobile, ébloui par les lumières du trafic. Ébloui par les lumières du trafic. De nuit en nuit, de jour en jour, au petit jour, je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Mais quand l'ombre d'un regard long touche les tours urbaines au plafond, je redescends sur la ville à tâtons. Je redescends sur la ville à tâtons. De nuit en nuit, de jour en jour, au petit jour, je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Je sais, je suis de nouveau dans la ville, à l'arrière d'une large automobile, ébloui par les lumières du trafic. Ébloui par les lumières du trafic. De nuit en nuit, jour en jour, au petit jour, je cherche l'amour. Je cherche l'amour. De nuit en nuit, de jour en jour, au petit jour, je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Thank you.